Oui, salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Nous sommes le lundi 14 janvier 2019. On va enchaîner sur le petit dossier, on va dire presque habituel depuis 2 mois là, sur les gilets jaunes, les manifs, tout, comment ça se boutique niveau politique, tout ça, niveau répression. Et je vais commencer par vous lire l'appel aux syndicats adopté par l'Assemblée générale de Lille, qui a eu lieu les 4 et 5 janvier. À Lille, comme son nom l'indique. Et bon, alors apparemment, c'était la plus grosse assemblée depuis le début du mouvement dans cette ville. Alors là, je vous lis ça sur le site révolutionpermanente.fr. Donc, elle avait une dimension régionale, vu que, enfin, en plus des personnes de Lille, il y avait des gens de toute la région. Alors, je vais pas vous lire le nom des bleds parce que quelques-uns qui sont écrits en étranger. Voilà. C'est parti. Alors, appel aux syndicats adoptés par l'Assemblée régionale à Lille. Voilà 7 semaines que la mobilisation des Gilets jaunes ne connaît pas de répit. Nous sommes au quotidien sur les ronds-points, sur les autoroutes, dans la rue, chaque samedi face à une répression des plus violentes. D'aucuns pensaient qu'avec les fêtes, notre mouvement prendrait fin, mais nous sommes encore là, bien décidés à ne rien lâcher. Ce mouvement est inédit, intersectoriel, de portée internationale, indépendant de toute structure politique traditionnelle. Mais de la politique, nous en faisons tous les jours. Nous avons enfin compris que nous n'avions besoin de personne pour penser à notre place. Et certainement pas de professionnels de la politique qui prennent des décisions en notre nom, mais qui pourtant ne connaissent rien de notre quotidien. Nous luttons contre l'exploitation que la grande majorité du peuple subit au profit d'une minorité de riches, de plus en plus riches. Alors que les dividendes versés aux actionnaires n'ont jamais été aussi importants, la France d'en bas se crève pour des salaires de misère. Pour bloquer l'économie et avoir enfin une vie juste, nous avons besoin d'une grève générale. Nous demandons aujourd'hui aux organisations syndicales de se positionner clairement du côté des exploités, de soutenir notre lutte et d'y prendre part en appelant à une grève générale reconductible dès janvier 2019, afin de permettre à tous et toutes les salariés d'exercer leur droit de grève et de pouvoir se joindre à la lutte. Donc voilà. Donc là, c'est en l'occurrence un appel plutôt aux centrales syndicales, mais on rappelle que c'est une grève, ça se bâtit surtout à partir de la base, en vrai, mais voilà. Mais qu'à des moments, il y a besoin des centrales syndicales quand même pour poser les préavis. Ben oui. Et du coup, que ce serait classe que les centrales syndicales restent pas, je sais pas, bornées sur leurs intérêts à elles, mais posent ces préavis de grève demandés Oui. par des gens, quoi. D'ailleurs, ce week-end, on a vu quelques tags s'interrogeant sur la disparition de Martinez. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que dans certains. Alors on parle beaucoup de la diversité idéologique des gilets jaunes, mais dans certaines villes, dans certaines régions, il y a vraiment un lien assez fort avec une tradition de mouvement social quand même. Alors c'est le cas apparemment dans les régions de Lille, mais aussi à Commercy, dont on a déjà parlé sur Radio Cayenne. Et il y a eu depuis un second appel de Commercy. Deuxième appel de Commercy, l'Assemblée des Assemblées. Notre deuxième appel s'adresse. Alors, Commercy, pour le rappel, c'est en Lorraine. Bon, voilà. Notre deuxième appel s'adresse à tous les gilets jaunes, à toutes celles et ceux qui ne portent pas encore le gilet, mais qui ont quand même la rage au ventre. Cela fait désormais plus de 6 semaines que nous occupons les ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes, et que nous sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations. Nous tenons bon. Cela faisait bien longtemps qu'une lutte n'avait pas été aussi suivie, aussi soutenue, ni aussi encourageante. Encourageante, car nos gouvernants ont tremblé et tremblent encore sur leur piédestal. Encourageante, car ils commencent à concéder quelques miettes. Encourageante, car nous ne nous laissons désormais plus avoir par quelques os à ronger. À ronger. Encourageante car nous apprenons toutes et tous ensemble à nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier dans notre diversité. Des liens sont tissés, des modes de fonctionnement sont essayés, et ça, ils ne peuvent plus nous l'enlever. Encourageante aussi car nous avons compris qu'il ne faut plus nous diviser face à l'adversité. Nous avons compris que nos véritables ennemis, ce sont les quelques détenteurs d'une richesse immense qu'ils ne partagent pas. Les 500 personnes les plus riches de France ont multiplié par 3 leur fortune depuis la crise financière de 2008 pour atteindre 650 milliards d'euros. Les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux plus grandes sociétés s'élèvent également à plusieurs centaines de milliards par an. C'est intolérable. Encourageante, enfin, car nous avons compris que nous étions capables de nous représenter nous-mêmes sans tampon entre les puissants et le peuple, sans parti qui canalise les idées à leur seul profit, sans corps intermédiaires davantage destinés à amortir les chocs, à huiler le système plutôt qu'à nous défendre. Nous pleurons aujourd'hui les victimes de la répression. Plusieurs morts et des dizaines de blessés graves. Maudits soient ceux qui ont permis cela, mais qu'ils sachent que notre détermination est intacte, bien au contraire. Nous sommes fiers de ce chemin accompli si vite et de toutes ces prises de conscience qui sont autant de victoires sur leur système écrasant. Et nous sentons très bien que cette fierté est partagée par énormément de gens. Comment pourrait-il en être autrement alors que ce système et ce gouvernement qui le représente n'ont de cesse de détruire les acquis sociaux, les liens entre les gens et notre chère planète ? Il nous faut donc continuer, c'est vital. Il nous faut amplifier ces premiers résultats sans hâte, sans nous épuiser, mais sans nous décourager non plus. Prenons le temps, réfléchissons autant que nous agissons. Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement, soit à continuer à porter fièrement leur gilet jaune, soit à l'enfiler sans crainte. Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l'écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, pas l'inverse. Pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications populaires égalitaires, sociales et écologiques. Certains s'autoproclament représentants nationaux ou préparent des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n'est pas le bon procédé. Tout le monde le sent bien. La parole... Notre parole va se perdre dans son dédale ou être détournée, comme dans le système actuel. Nous réaffirmons ici, une fois de plus, l'absolue nécessité de nous laisser confisquer notre parole par personne. Une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum d'endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications. Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des cahiers de doléances dans les mairies. Nous craignons qu'en faisant ainsi, nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce et qu'à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons impérativement garder la main sur ces moyens d'expression du peuple. Pour cela, nous appelons donc à ce qu'ils soient ouverts et tenus par les assemblées populaires, qu'ils soient établis par le peuple et pour le peuple. Depuis Commercy, nous appelons maintenant une grande réunion nationale des communautés populaires locaux. Fort du succès de notre premier appel, nous vous proposons de l'organiser démocratiquement en janvier, ici, à Commercy, avec des délégués de toute la France, pour rassembler les cahiers de revendications, les mettre en commun. Nous vous proposons également d'y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement. Nous vous proposons enfin de décider d'un mode d'organisation collective des Gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple et respectant les étapes de la délégation. Ensemble, créons l'Assemblée des Assemblées, la Commune des Communes. C'est le sens de l'histoire, c'est notre proposition. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et alors j'ai vu la date qui était proposée. Il s'agit du samedi 26 janvier à 14h à Commercy ou environ. Bon, voilà. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, la, la, la, la.